Oui. Ça arrive toujours un peu comme ça, comme un cheveu dans la pisse. Je voulais revenir sur. Sur ce scandale, hein, cette affaire incroyable, parce que je sais pas comment le monde peut continuer de tourner avec ce qui s'est passé à PSG Montpellier PSG, là, le carton rouge de Mamadou Sakho, que je trouve scandaleux, parce que je rappelle que la règle, parce qu'on a dit plein de choses sur la règle, mais je rappelle que la règle, c'est quand on annihile une occasion de but, quand on annihile une occasion de but, déjà, quand on dit ça à un joueur de foot, le mec, déjà, ça, pour l'aider, il y a pas mieux, quoi. T'as pas le droit d'annihiler une occasion de but. Il dit, bah, il passe inhalé. J'ai empêché, rien à voir. Donc, il a annihilé une occasion de but, mais c'est Gaëtan Charbonnier qui part seul au but. En quoi t'annihiles une occasion? C'est Gaëtan Charbonnier! Non, mais merde! Non, mais les mecs, à un moment, les arbitres, faut qu'ils réfléchissent. Non, mais moi, je comprends pas, ça. Alors, pour le procès, d'ailleurs, Eric Dimeco, qui se plaint d'un faux témoin, c'est toujours les mecs les mieux placés, hein, qui parlent de ça. Moi, ça me fait toujours marrer. C'est toujours les mêmes. C'est les mecs qui ont des voleurs partout, tu sais. C'est les mêmes. Ça me fait penser qu'il ne faudra surtout pas louper le derby de la 17e journée, le Bastia OM, qu'on appelle le Braco. Important, ce derby de la 17e journée. Donc Sissoko qui est dans le collimateur des arbitres, d'après Gilbert, je comprends pas. Mais ça me fait penser. Francisco lui me disait, j'ai plus le droit de flâner tranquillement devant une école primaire sans que tout le monde fasse la gueule. C'est vrai, quoi. Les mecs sont complètement, c'est la paranoïa française. Et alors, moi, je suis surtout déçu par les dirigeants du PSG. Je suis désolé, Daniel, mais je veux dire, Leonardo, ce qu'il dit sur l'arbitre là, c'est pas normal, quoi. Moi, j'étais pas dans le procès, je veux dire. Non, mais bon, monsieur, t'es désolé par rapport à moi. T'as fait le faux témoin. T'as trouvé que bon, t'as quand même dit que t'as essayé de le comprendre. Mais en même temps, c'est vrai que quelque part, lui, il a quand même parlé beaucoup de fiscal. Il parlait de. Moi, j'ai essayé d'expliquer. D'arbitrage fiscal. Peut-être que ça vient d'une expression italienne. Tu disais, je pense là-bas. Ou Qatari, je ne sais pas. Pour lui, donc en fait, j'ai presque compris, il s'est fait fisc-fucker. Et le fisc-fucking, quand tu viens de chez Berlusconi, c'est un truc, bon, visiblement. Est-ce qu'on peut parler de sodomie arbitrale alors, comme Mourad? Fisc-fucking, on est fiscal, c'est fiscal. Et alors, ça veut dire strict, c'est ça en italien? Mais moi je voudrais. Tatillon quand même... jusqu'à tatillon, caricature. Ouais. Ouais. Voilà, que tu t'es fait fisquer. Ensuite, c'est l'heure de qui? C'est l'heure de Julien Cazin. Chers amis. Il est sur pile, lui aussi. Moi, je suis sur pile, moi, c'est un pacemaker. Donc, faut pas que ça s'arrête parce que sinon, je suis dans la merde. Et le problème, je peux plus pédaler si je fais une attaque. Alors, attends. Ça risque pas d'arriver à certaines équipes. Je voulais revenir donc sur l'histoire de notre ami Sakho qui a été expulsé et de Leonardo qui a chouiné, hein. Et moi, finalement, après réflexion, moi, je comprends Leonardo parce que franchement, mais quand on réfléchit bien, c'est quand même hallucinant, quoi. C'est-à-dire que Zlatan, il fait un front kick sur le gardien, il est expulsé. Sakho, il anéantit une action de but, il est expulsé. Verratti prend un jaune après la 11e faute en 3 minutes. On refuse à la Vezzi sous le seul prétexte un but parce que la balle est passée à côté, et sur la frappe de Menez, l'arbitre siffle pas péno alors que Jourdain prend la balle à la main dans sa surface. Non mais on nous en veut à un moment donné au Paris Saint-Germain, les mecs. Alors c'est ça l'ambiance, mais il fallait prévenir parce que nous on vient d'Italie, on a un grand club, parce qu'en Italie je peux dire qu'à 200 millions d'euros on ne siffle pas des cartons rouges, hein. Alors je sais pas ce que c'est que ce pays, mais après il faut pas qu'on s'étonne si les gens, l'argent vient plus, il faudra pas qu'on s'étonne si un jour la gauche vient au pouvoir. Bref, moi ça m'énerve parce que à Nasser, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, le mec il achète le championnat et c'est comme ça qu'on le remercie? Non mais moi je vous demande si à un moment donné, tu sais, l'ambiance, esprit de Coubertin, mais pourquoi pas l'équité sportive aussi. Non mais je crois qu'on délire dans ce pays. À un moment donné, il va falloir qu'on se pose les bonnes questions, parce que tu vois, c'est comme la corrida en Espagne, les traditions, ça va 5 minutes. Il faut se moderniser. Voilà, j'ai passé mon petit coup de gueule, je voudrais parler de Charles Caboret. Oh, tiens. Oui, vous avez dit que c'était le couteau suisse de l'Olympique de Marseille. Mais je dirais pas ça, je dirais que le vrai couteau suisse c'est Diawara, parce que Diawara, il fait couteau, scie, tenaille, scalpel et sécateur. C'est quand même décapsuleur aussi. Il fait décapsuleur, il peut faire loupe aussi. Si, des fois il loupe tes dégagements et il loupe les tacles. Donc c'est quand même lui le vrai. Trémoulinas qui a été appelé à la place de Gaël Clichy en équipe de France. Alors est-ce que c'est un événement? Oui, non, moi excuse-moi, moi un hindou à la place de Clichy, j'en vois plein, très souvent ils vendent des roses et des marrons grillés. Oh non, c'est nul. Des Trémoulinas à la place de Clichy, il y en a presque autant qu'elle a au passage Brady. C'est pas moi que ça va impressionner. Girard qui a dit qu'il fallait arrêter de pleurer. Je vous ai fait cette superbe déclaration de Girard qui a dit on n'est pas en D1 féminine. Il a dit par rapport à ce qu'a dit Leonardo. Et j'ai envie de lui dire, c'est vrai, René, on n'est pas en D1 féminine parce que les femmes, déjà, les féminines, elles ne chouinent pas tout le temps. Et Girard, si tu veux, En deux ans, il a plus chialé qu'une japonaise qui s'est trompée de jour pour l'ouverture des soldes chez Vuitton, ou une gamine de 15 ans qui s'est fait plaquer par Erwan, le mec le plus beau du collège, tellement qu'on le prend souvent pour Kevin des Ch'tis à Mykonos, mais en mieux. Voilà, donc René Girard, c'est un peu ces deux meufs à la fois. Donc c'est sûrement pas un mec de la D1 féminine, effectivement, il y a pas des gens comme lui. Si, on peut toujours espérer que l'entraîneur des féminines, elle fasse un doigt d'honneur, puisque c'est un mec, hein, l'entraîneur. Mais sinon, il y a très peu de chance. Mais t'as raison, on n'est pas en D1 féminine, nous on est bien entre nous, en Ligue 1, entre beaufs, un René, on t'embrasse. Messieurs, avant de partir, un peu de Julien Cazard, sinon tu prends le temps de Julien. La Lazio, c'est encore le club le plus politisé, un des clubs le plus politisés au monde. Allez, Julien Cazard, on y va. Malgré tout. Oui, non, c'était important de le dire. C'est marrant parce que ça faisait partie de mon je m'en fous pas. Et donc, parce que tu te fais ton propre je m'en fous pas. Oui. Et je peux dire que ça penche sérieusement d'un côté. Donc Polo, moi je voudrais quand même parler de Polo, qui est quand même génial, parce que Polo, quand il drague en boîte, il doit être mortel. Parce que lui, il voit une super bombe avec des seins magnifiques, des yeux de biche, elle est drôle, elle est sympa, elle a grave envie de faire l'amour, mais il dit quoi ? T'as un découvert de 100 euros, alors non merci quoi. les meufs qu'on les aide, ça m'intéresse pas. Non mais je veux faire l'amour sans limite. Non, ça m'intéresse pas, t'as un découvert de 100 euros. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas faux. Donc sinon je repensais au package de Fredo, son package de la Liga. J'imaginais un package où tu vois tous les matchs de la Liga. Oh putain, le cauchemar. Non mais nous c'est pas possible, Fred. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que nous, pour voir 5 buts en 90 minutes, il nous faut un multiplex. Hein. Voilà. Donc ça c'est le petit problème. Si on veut pas que les gens s'endorment. J'avais pensé à une idée de nom pour le derby Inter-Atalanta. C'est comme ils ont à peu près de la même ville, avec à peu près le même maillot, les mêmes couleurs, rayé noir et bleu. Je pense qu'on peut l'appeler le identico. Parce que franchement, j'ai du mal à. C'est identico. Ouais, c'est identico. Chicharito, qui d'après Fifi a fait un coup du chapeau, mais comme il est mexicain, on dit un coup du. Sombrero. Non, du chapeau. Sombrero, c'est quand ça passe par-dessus le joueur. Ah, exact. Je connais même pas les règles du foot, c'est quand même triste. Non, c'est un coup du chapeau pareil! Sauf que c'est en espagnol. Pourquoi ça s'appelle un coup du sombrero d'ailleurs, le truc où ça passe au-dessus? Ben parce qu'un sombrero, c'est un chapeau, tu sais, qui est un peu, qui fait une sorte de forme oblongue au-dessus de la tête. Ouais, d'accord, laisse tomber. Ça te fait comme un sombrero quand la balle te passe par-dessus la tête, Gilbert. Eh oui, non, mais t'es pas venu pour rien et ça fait plaisir. Je vais parler de water polo. Alors, le water polo, c'est pas une Volkswagen amphibie, hein, c'est pas non plus notre consultant Bundesliga qui monte une entreprise de sani-broyeur. C'est un sport olympique. Très sympa. Et j'ai vu un match de water polo en Espagne vachement bien, là où le Real a battu les Ventés 2-1. C'est vrai qu'il faut être honnête, ça ressemblait plus à du foot. Le seul avantage de la pluie, c'est qu'au moins, on voit pas que Cristiano Ronaldo a les cheveux gras, hein, parce que le coup de la gomina aux autres, hein. J'ai regardé sa peau pour voir que le jeune homme a un petit problème de sébum. J'ai vu le match de l'OGC Nice. Alors l'OGC Nice, ils m'ont fait de la peine. Pas de rythme, techniquement c'est pauvre, derrière des passoires, devant des chèvres. Je me disais c'est pas possible, ils peuvent pas être aussi nuls. Et en fait, heureusement, je m'étais gouré, c'était le Milan AC, hein. Du coup ça m'a rassuré, parce que je trouvais ça quand même bizarre que l'OGC Nice soit aussi nul. Et puis le derby romain, que j'appelle le romantico, hein. Enfin, c'était pas très romantique, hein. De Rossi, il a mis un bon pif à Maori, super ambiance, hein. C'est pas vraiment classe moustache monocle, à l'ancienne. On peut pas dire que je voulais les appeler les brigades du Tibre, mais non. On va dire que ça manque un petit peu de classe. Alors, De Rossi, faut dire que ça veut dire rouge, hein, en italien. Donc, forcément, le mec, il s'appelle De Rossi, donc il se fait expulser. S'il s'appelait De Giallo, il prendrait qu'un carton jaune. En même temps, Rossi. Comme il est Giallo Rossi, bon de toute façon Giallo Rosso, de toute façon il mélange les deux. Je voudrais finir avec l'anniversaire d'un grand sportif. Un grand sportif. Alors c'est un tennisman, vous allez essayer de trouver. C'est un tennisman, mais qui aime beaucoup le football. Liodra. Et aujourd'hui c'est son anniversaire. Liodra. Non. Si je vous dis la peau un peu basanée, un mec de Lorient, enfin Lorient pas L apostrophe, hein, qui nous vient de Lorient, qui est facétieux, qui est marrant, quand il joue au tennis. Agassi. Hein, mais non. Oriental. Et non, Nasser El Khelaifi, mais oui. C'est l'anniversaire de Nasser. Aujourd'hui, il a 39 ans. Ancien joueur du Qatar, et j'ai envie de lui chanter joyeux anniv Nasser. Joyeux anniv Nasser. Voilà, Nasser qui a 39 ans. Il est jeune, hein. Ceci explique peut-être cela. Bonne soirée.